Bien-aimé, que Dieu vous bénisse. J'ai une petite exhortation qui me vient à cœur. Je voudrais que tu saches, je ne sais pas dans quelle église tu pries, je ne sais pas dans quel pays, dans quelle ville tu te trouves, mais je veux que tu saches, mon frère, que ma soeur, nous sommes dans les églises appelées par Dieu parce que Jésus a clairement dit, nul ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire. C'est Dieu qui pousse les hommes vers son Fils. Pourquoi? Parce que le Fils dit, tout pouvoir m'a été donné par le Père, dans les cieux, sur la terre, sous terre. Jésus est la réponse de toute ta vie, esprit, âme et corps. Il est l'alpha et l'oméga. Il n'y a pas de sujet, il n'y a pas de cas qui le dépasse. Jésus ne va jamais te dire, mon fils, ma fille, ce que tu me demandes là, ça me dépasse. Je n'ai pas les moyens. Il ne va jamais te le dire. Il est tout puissant. Tout genou fléchit devant lui. Tout genou. Rien de lui est impossible. Il n'y a pas de situation difficile pour lui. Il ne va jamais te dire, ce que tu me demandes là, oh mon fils, ma fille, ça me dépasse. Il est le tout puissant, tout pouvoir, tout. Tout pouvoir lui a été donné par le Père, tout pouvoir, tout. Dans les cieux, sur la terre, sous terre. Écoutez ce qu'il nous dit, Jésus. Je vais lire dans l'évangile de Jean au chapitre 15, au verset 1. Je suis le vrai cep et mon Père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruits, il le retranche. Quiconque est en Jésus et qui ne porte pas de fruits, Dieu le retranche. Et tout sarment qui porte du fruit, il les mord afin qu'il porte encore plus de fruits. Tout sarment qui est en Jésus, Dieu a le regard sur ce sarment. Dieu observe ce sarment qui est en Jésus. Est-ce qu'il porte du fruit ou pas? S'il y a des fruits, Dieu arrose. S'il n'y a pas de fruits, basta, tu es dehors. D'où l'importance de porter du fruit. Parce que ne suffit pas de dire, je suis enfant de Dieu, alléluia, je suis enfant de Dieu, alléluia. Dieu attend les fruits, mon frère, ma soeur. Dieu attend nos fruits. Dieu attend nos fruits. Quels sont tes fruits? Dieu attend mes fruits. Dieu attend tes fruits, il attend. On est en Jésus. Jésus dit, le sarment qui est en moi. Si le Père voit qu'il n'y a pas de fruit, il le coupe. Et s'il voit que ce sarment qui est en lui, c'est nous, nous sommes en Jésus, c'est nous les sarments. Donc le Père a le regard sur nous. Dieu attend nos fruits. La Bible dit, nous sommes le sel de la terre. Le sel ne doit pas perdre sa saveur. Il faut qu'il y ait une différence entre toi et le païen. Il faut qu'il y ait une différence entre le jour et la nuit. Des différences entre les ténèbres et la lumière. Il faudrait que lorsqu'on regarde comme ça, la différence est visible. Dans tout. Même dans la façon de s'habiller. Même dans la façon de parler. Dans la façon de poser des actes. La différence doit être claire. Quand il y a la différence, même le diable, quand il regarde, il dit, oh, celui-là est de Dieu. Il ne fait pas comme mes enfants. Il est différent. Jésus dit, tout sarment qui est en moi. Le Père a le regard. Est-ce qu'il porte du fruit? C'est important. Dans le Job chapitre 1, au verset 8, écoutez ce que la Bible dit. L'Éternel dit à Satan, as-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit, craignant Dieu. Vous vous rendez compte? Il y avait des milliers, des milliers, des millions de personnes sur terre. Dieu s'intéresse à ce que fait Job. Il regarde. Et Job, Dieu dit au diable, il n'y a personne comme lui, il est intègre. Dieu regarde ta conduite. Dieu est partout, il voit tout, il entend tout. Dieu regarde ta conduite. Il a l'œil sur toi, jour et nuit. Jour et nuit, son œil est sur toi. Il regarde comment tu te comportes. C'est pourquoi Jésus dit, le sarment qui est en moi, le Père regarde. S'il porte du fruit, il arrose. S'il voit qu'il n'y a rien, il enlève de là. Et Dieu peut dire au diable, regarde Job, il est intègre. Il me craint. Job là me craint. Il me craint Job. Vous savez, je vais vous dire quelque chose. David est tombé dans l'adultère. Le roi David, il est tombé dans l'adultère. Mais on peut voir comment ça lui a fait mal et comment il s'est repenti. La différence entre un vrai enfant de Dieu et un faux, c'est que le faux enfant de Dieu, s'il est dans l'adultère, il reste là-dedans. Mais le vrai, il va pleurer, il va se mettre à genoux. Papa, délivre-moi. Il va regretter, il va aller pleurer à genoux devant son père pour que son père le délivre. Mais le faux, lui, il demeure dans le péché. Ça ne lui fait rien. Ça ne lui fait ni froid ni chaud. Je continue. Je vais lire dans Romains chapitre 2, au verset 23. Toi qui te fais une gloire de la loi, tu déshonores Dieu par la transgression de la loi. Quand tu transgresses la parole de Dieu, tu déshonores Dieu. Quand tu fais des mauvaises œuvres, tu déshonores Dieu. Tu fréquentes l'église, tu es ivrogne. Tu fréquentes l'église, tu fumes la cigarette de gauche à droite. Tu fréquentes l'église, tu es dans les bois de nuit, tu déshonores Dieu. La Bible dit, mon peuple, sortez du milieu d'eux. Ne touchez pas à ce qui est impur. C'est ce que la Bible dit. Sortez du milieu d'eux. Ne touchez pas à ce qui est impur. Sors. Ne touche pas à ce qui est impur. Mais quand tu es dans ce qui est impur, tu déshonores Dieu. Dieu n'aime pas le mensonge, mais toi tu es à fond dans le mensonge. Dieu n'aime pas le vol, mais toi tu continues à voler en cachette. Dieu n'aime pas les adultères, mais tu es là-dedans. Dieu n'aime pas les fornications, mais tu es là-dedans. Mon frère, ma soeur, si l'apôtre Paul a dit qu'il est mieux de se marier que de brûler, va te mettre à genoux. Demande à Dieu, marie-toi. Marie-toi, si tu as les moyens, marie-toi. Parce que vous avez des frères, des soeurs. C'est pas l'occasion de se marier qui manque. Mais ils ne sont pas pressés. Ben, ils ne sont pas pressés, mais en attendant, ils vivent dans la fornication. Mais tu ne connais pas le jour de ta mort. Parce qu'il ne faut pas que la mort te frappe alors que tu es en plein péché. Parce que le cadavre ne pourra plus se repentir, c'est trop tard. Il ne faut pas que la mort te trouve alors que tu es dans le péché. Personne ne connaît son jour. La Bible dit, Romains 2, toi qui te fais une gloire de la loi, tu déshonores Dieu par tes transgressions de la loi. Car le nom de Dieu est à cause de vous blasphémé parmi les païens. Quand tu vis dans la débauche, enfant de Dieu, on te voit à l'église dimanche, et au quartier tu vis dans la débauche, tu déshonores Dieu. Quand tu fais des trafics dans le noir, tu te dis personne n'est au courant. Tu déshonores Dieu. Mais Dieu lui voit. Le problème, c'est que lorsqu'on va t'attraper, oh, tel pasteur a violé une femme, oh, tel enfant de Dieu a participé à un trafic, et on t'amène au tribunal, on fait la publicité dans les journaux, le nom de Dieu est blasphémé. Il est blasphémé. La Bible dit blasphémé à cause de nous. Notre témoignage. C'est pourquoi Dieu était fier de Job. Il peut dire au diable, tu as vu Job? Il me craint, Job me craint. Il est terre, il me craint. Il n'est pas comme les autres, il me craint Job. Et c'est ce que Dieu veut dire pour toi. Ma fille là, elle a la crainte de Dieu. Oui, la chair est ferme, mais je vois comment elle fait tout pour ne pas me déshonorer. Dieu voit, il connaît tes limites. Mais quand il regarde dans ton cœur, il dit oui, bon, ce qu'il fait là n'est pas bien. Mais je vois dans son cœur qu'il ne le fait pas avec amour. Il pense à moi. C'est pourquoi il n'a pas la joie. C'est pourquoi il n'a pas la paix. Parce qu'il sait que je n'approuve pas ce qu'il est en train de faire. Il le sait. C'est pourquoi il est triste. Mais il faut invoquer Dieu. Dieu va te délivrer. Dieu est capable de toutes choses. J'ai entendu le témoignage d'une femme. Son copain, je dis bien copain, était taximan. Ils ont eu deux enfants. Et à chaque fois qu'elle venait à l'église, on attaquait la fornication, l'impudicité. Elle pleurait. Elle raconte que lorsqu'elle rentrait dans la chambre, vous savez, un taximan, c'est quelqu'un qui tourne toute la journée. Parfois, il peut aller jusqu'à 2 heures du matin avant de rentrer. Avant que le taximan ne rentre, elle était à genoux, pleurait, Seigneur. Si je coupe les rapports avec cet homme, je ne travaille pas, j'ai deux enfants. Je vais les nourrir comment? C'est cet homme qui paye le loyer. Oh Seigneur, si je ferme les jambes, je vais me retrouver comment? Mais elle était sincère. Qu'est-ce qui va se passer? Quelques semaines après, le taximan rentre la nuit comme d'habitude. Le taximan lui a dit, chérie, désolé pour ce que je vais te dire, il ne faut pas m'en vouloir. Mais je dois te dire la vérité. Je ne veux pas t'épouser. Ne le prends pas mal. Parce que ces derniers temps, j'ai ça à cœur. Je ne savais pas comment te le dire. Je n'ai pas envie de te faire perdre du temps. Si maintenant tu trouves quelqu'un qui veut t'épouser, vas-y. Quant aux enfants, ne crains rien. Ce sont mes enfants. Chaque mois, je donnerai la pension. Mais on ne peut plus rester ensemble parce que je te fais passer du temps pour rien. C'était la délivrance. Parce que Dieu a vu les larmes de cette femme, les larmes. Elle était sincère dans sa prière. Dieu est capable de te délivrer quelle que soit la situation. Et le taximan est parti et il a envoyé l'argent pour les enfants. Dieu est capable de toutes choses. Vous vous souvenez de Jonas? Il refusait d'aller à Ninive. Il prend un bateau et le bateau avait des problèmes dans la mer. Vous connaissez l'histoire. On va balancer Jonas, le capitaine du bateau. Jonas va dire, c'est moi qui ai à l'origine des problèmes que vous avez là. Parce qu'en fait, Dieu m'avait envoyé quelque part, mais j'ai désobéi. C'est moi qui est responsable de vos ennuis. Donc, si vous voulez la paix, si vous voulez la tranquillité, balancez-moi dans la mer. Le capitaine du bateau a dit, ok, comme c'est toi le problème, on l'a jeté. La Bible dit, un grand poisson est venu l'a avalé. Avalé. Et Jonas s'est retrouvé dans le ventre du poisson. Vous connaissez l'histoire de Jonas, c'est dans l'Ancien Testament. La Bible dit, alors qu'il était dans l'estomac de ce poisson géant, il s'est mis à prier. Oh Dieu, pardonne-moi, j'ai désobéi. Oh Seigneur, sauve-moi. Seigneur, maintenant je suis prêt à aller à Ninive. Oh Dieu, Dieu l'a délivré. La Bible dit, le poisson est venu le cracher près de la rive. Le poisson est venu le vomir. Et Jonas est allé à Ninive. Dieu est un Dieu tout puissant. Quelle que soit ta situation, rien ne lui est impossible. Invoque l'Éternel, mais d'un cœur pur, d'un cœur sincère. Tu es fatigué par la cigarette. Tu es obligé de fumer en cachette parce que tu n'arrives pas à décrocher. Dieu peut le faire pour toi. Ça ne sert à rien de continuer à boire l'alcool en cachette. Dieu peut te délivrer. Parce que quand les païens voient ça, le nom de Dieu est blasphémé parmi les païens. Ils rigolent. Ils disent, oh, ils disent qu'ils sont enfants de Dieu. Celui-là, il boit en cachette. Il boit. C'est un fumeur. Il a un copain. Oh, j'ai entendu une femme dire, vous savez, quand je me suis converti, je vous fais un témoignage, ça c'est ma vie. Je n'avais que quelques mois en Christ, quelques mois en 1988. Mais quand le Seigneur m'a trouvé, il m'avait trouvé, j'avais une copine parce que j'étais au lycée. J'étais en première, ma copine était en troisième. C'est pendant ce moment-là que j'ai reçu Jésus. Mais quand je m'en vais à l'église, le pasteur disait, il faut sortir de la fornication. Mais moi, j'aimais beaucoup cette fille. Bien aimé, ce n'était pas facile. J'étais nouveau converti. Je me souviens un jour, je suis allé la trouver chez elle. Et je voulais faire comme d'habitude, l'embrasser. Elle était à la cuisine, en train de faire l'omelette. Et moi, je suis venu derrière elle, comme je faisais d'habitude. Je la tenais comme ça, et puis je commence à embrasser au cou. Je la tourne vers moi, je l'embrasse par la bouche. J'avais l'habitude. Frère, Dieu est grand. Quand je fais qu'elle était mondaine, ce n'était pas une croyante. C'était une païenne. Quand j'embrasse au cou, je la tourne comme ça vers moi. Je voulais coller ma bouche à ses lèvres. Elle a fait ça. Elle a dit, oh, je ne comprends plus rien. C'est pas toi, tu es chrétien. Parce que j'entends là-bas au lycée, des filles chrétiennes, des gars chrétiens disent que vous qui croyez en Jésus là, vous ne faites plus de fornication. Mais je ne comprends rien, mais tu veux m'embrasser, tu n'es plus chrétien. Bien aimé, j'ai eu la honte de ma vie. J'ai eu la honte de ma vie. J'ai eu la honte. Mon Dieu, la fille, elle ne prie pas, c'est une païenne. Je l'ai laissé. Je suis allé au salon, je regardais la télé. Mais je te dis que je souffrais, mon Dieu, d'une païenne qui me dit, c'est pas tu es enfant de Dieu. C'est pas j'ai appris que vous ne faites pas de fornication. J'avais honte. Et elle a remarqué, parce que lorsqu'elle a terminé l'omelette, elle vient s'asseoir à côté de moi, regarder la télé. Je ne voulais même plus la toucher. Et je suis rentré chez moi, je ne suis plus reparti là-bas. J'avais honte. Dieu est capable de toutes choses. Même utiliser la bouche d'une païenne pour te dire, mon fils, arrête ça. Il faut arrêter. Vous vous souvenez de l'histoire de Balaam dans l'Ancien Testament? Un roi païen qui disait au prophète, viens maudire Israël. Et Balaam était assis sur l'âne. Dieu dit à Balaam de ne pas aller, mais le roi a promis à Balaam l'argent, les biens matériels. Balaam est monté quand même sur l'âne pour aller. La Bible dit que l'âne, un animal, a parlé. Une voix d'homme est sortie de la bouche d'une bête. Vous vous rendez compte du miracle que Dieu a fait pour arrêter Balaam? Dieu est capable de toutes choses. Donc la Bible dit, le nom de Dieu est blasphémé parmi les païens à cause de nous. Et Jésus dit, je suis le serment. Je suis le cèpe. Tout sarment en moi qui ne porte pas de fruits, le Père regarde. S'il voit les fruits, il arrose. S'il ne voit rien, dehors, tu occupes la place ici pour rien. C'est pourquoi la Bible dit beaucoup d'appelés, peu d'élus. Bien aimé. Donc, il ne faut plus dire oh, la situation là est difficile. Comment je vais faire, frère? C'est plus fort que moi. Dieu peut te sortir de là. Dieu peut te sortir de là. Je vais relire dans Romains 2. Toi qui te fais une gloire de la loi, parce qu'il y a des gens, des champions de la loi, ils connaissent tous les versets bibliques. Ils connaissent les versets. La Bible dit ça. Oh, il est écrit dans 1 Corinthiens. Romains dit, oh, Genèse dit. Ils récitent des versets bibliques. Mais quand tu les regardes bien, aucune repentance. Ils vivent une vie païenne au quartier. Vous avez certains enfants de Dieu, ils jouent l'enfant de Dieu que quand il est au milieu des frères et sœurs. Mais quand il est au milieu des païens, c'est un païen à 100%. Aucune différence entre lui et les païens. Ils parlent pareil, ils font les mêmes choses. Mais Dieu te voit. Dieu te voit. Dieu te voit, tu dis que tu es enfant de Dieu. Mais Jésus dit, tout sarment qui est en moi et qui ne produit pas de fruits, mon Père le retranche. Dieu te regarde, parce qu'il ne suffit pas de dire je suis en Christ. Dieu te regarde. Dieu attend de toi des fruits dignes de repentance, les fruits d'un enfant de Dieu. Tu déshonores Dieu par la transgression de la loi, car le nom de Dieu est à cause de vous blasphémé parmi les païens. Tu as entendu ça, mon frère? Ayons une conduite digne de ce nom. Nous sommes le sel de la terre. Le sel. Jésus a dit, le sel ne doit pas perdre sa saveur. Imaginez, vous prenez le sel, vous mettez à la bouche, ça n'a même plus le goût de sel. Ça n'a plus de saveur. Il y a des chrétiens comme ça. Aucun fruit, aucun fruit. La seule différence entre lui et le païen, c'est que ce chrétien-là va à l'église dimanche. Mais au niveau des actions, des actes, le comportement dans la vie active, 100% païen, 100%, aucune différence. Quand tu le vois au milieu des païens, déjà, quand tu vois un chrétien, un vrai chrétien ne peut pas avoir des amis. Il se balade tout le temps avec des amis païens. Non, si tu vois un chrétien avec les païens, le courant passe très bien. Ce garçon-là ne prêche pas la parole de Dieu. Quand tu prêches la parole de Dieu, les païens vont se retirer. Parce que la parole de Dieu condamne le péché. Mais si tu vois que tu es avec les païens, ça se passe très bien, tu ne prêches pas Jésus. Parce que si tu prêches la parole de Dieu, moi je sais de quoi je parle. J'ai des amis qui se sont retirés. Parce que quand on était ensemble, il commence à vouloir draguer les filles et que moi je dis, ça c'est, oh, moi ça m'intéresse pas, c'est de l'impudicité. Ils ont commencé à me dire, oh, tu nous fatigues avec tes histoires là. Et ils se sont séparés de moi. Mais si tu vois un chrétien, tous ses potes sont des païens, ils ne prêchent pas la parole. Parce que quand tu vas commencer à condamner le péché, parce qu'eux sont dans le péché, ils sont dans le monde, mais si toi tu es là à condamner le péché, ils vont se retirer seuls. C'est ça. C'est pourquoi les personnes détestaient Jésus. Parce qu'il était la vérité par les vérités. Et ça dérangeait les pécheurs, ça les dérangeait. Un vrai chrétien ne peut pas avoir des amis païens. Ils sont ensemble. Mais je ne dis pas qu'il ne faut plus dire bonjour aux païens. Mais je veux dire que si vraiment tu es dans un groupe de païens et que tu prêches tout le temps la parole de Dieu, ils vont te fuir. C'est ce que j'ai envie de te dire. Mais si tu vois que le courant passe très bien, c'est la preuve que tu ne parles pas de la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu est la lumière. Parce que la parole de Dieu met à nu le péché. Et comme toi, tu vas condamner le péché puisque tu prêches la parole et qu'eux sont dans le péché, ils vont se retirer seuls. C'est ce que je suis en train de dire. Donc, bien aimé, que Dieu te bénisse. Je te souhaite une bonne journée.